L'actualité des sciences à présent. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. C'est les s'aventuriers ce matin. On parle beaucoup en ce moment de chimie verte. Hein. Mais qu'est-ce que la chimie verte? Est-ce qu'elle est meilleure pour l'environnement? Eh bien, c'est le sujet que vous avez choisi de traiter ce matin. La chimie, Eric, est le troisième secteur industriel français. C'est donc important. Et la semaine dernière, souvenez-vous, on a parlé des bioplastiques. J'ai eu envie d'aller plus loin avec Stéphane Sarade, probablement le meilleur avocat de la chimie verte en France. Stéphane Sarade est directeur adjoint de l'innovation au CEA, le commissariat aux énergies alternatives. La chimie verte, ce n'est pas faire de la chimie avec de l'herbe, c'est faire de la chimie en se passant du pétrole, mais pas seulement. L'idée, c'est de ne plus utiliser ou de moins utiliser ces matières premières fossiles à base de pétrole, mais plutôt des matières premières renouvelables. Mais c'est aussi être capable d'aller chercher toutes les molécules au sein de cette matière première afin de l'appauvrir au maximum, donc c'est ce qu'on appelle l'économie d'atomes, et donc de ce fait générer moins de déchets. Et donc cette chimie sans pétrole, elle serait moins toxique ? Qu'il s'agisse de chimie traditionnelle ou de chimie verte, ce sont des réactions que l'on attend et on est à la recherche de solvants. Les solvants en chimie verte sont très particuliers. La chimie, c'est très simple, c'est deux types de solvants. Ce qu'on appelle les solvants polaires, solvants à base d'eau, l'eau est une matière première extrêmement rare dans le futur proche. Donc il convient d'économiser cette matière première. Et donc tous les développements de réactions chimiques par voie sèche font partie intégrante de la chimie verte. Et les autres solvants sont les solvants apolaires. Ce sont des solvants que vous connaissez de nom. Je parle du benzène, je parle du trichloréthylène, je parle du chlorométhane, qui, on le sait, ont un impact très fort sur la santé humaine et aussi sur l'environnement. Et donc, il a fallu développer des solvants alternatifs. Et on utilise, par exemple, du gaz carbonique sous pression, le CO2 supercritique. On va utiliser des liquides ioniques. Donc, il y a plein d'alternatives. Ça aussi, c'est la chimie verte. La vision de la chimie verte, elle vise à limiter et à annuler l'utilisation de composés que l'on sait toxiques pour l'être humain. Mais c'est aussi limiter globalement l'utilisation, le gaspillage des matières premières et des ressources. La chimie verte, vous l'avez compris, a donc pour vocation d'avoir des impacts les plus faibles possibles. Mais elle se décline comment, cette chimie verte? Qu'est-ce qu'elle permet aujourd'hui? Déjà pas mal de choses, et les chercheurs comme Stéphane Sarade ont fait des innovations très intéressantes. Vous voulez des exemples? Allons-y. Quand vous rentriez dans un pressing, vous vous rappelez sûrement qu'il y a de nombreuses années, il y avait une odeur très importante liée au solvant, le trichloroéthylène, qui était utilisé pour détacher les vêtements. À l'heure actuelle, vous avez d'autres possibilités avec de l'eau sous pression, avec du gaz carbonique sous pression en phase supercritique. Donc on a trouvé des alternatives pour des choses du quotidien. Des applications aussi dans le domaine de la cosmétique ou de la pharmacie. Une partie de la chimie verte a pour vocation de dire, et si on faisait fabriquer des principes actifs, prenons le cas de l'insuline. L'insuline qui est utilisée par les personnes qui ont des problèmes de diabète. Pendant très longtemps, l'insuline a été du traitement a été produite à partir d'insuline de porc qui était purifiée. À l'heure actuelle, on sait fabriquer de l'insuline à partir de micro-organismes qui ont été modifiés et qui produisent de l'insuline humaine. Quel serait votre rêve, Stéphane Sarade? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir voir développer grâce à la chimie verte? Moi, mon rêve, c'est de développer des procédés qui seraient directement intégrés dans des centres urbains. On va pouvoir produire de l'eau potable, traiter des déchets pour pouvoir les recycler, produire de l'énergie aussi. Voilà, moi, mon rêve, c'est ça. C'est la ville du futur où la chimie verte sera intégrée pour répondre aux grands enjeux. C'est produire de l'énergie, produire de la nourriture, produire de l'eau potable, produire des médicaments et tout ça en préservant l'environnement. Jusqu'où ira la chimie? C'est donc le titre du dernier livre de Stéphane Sarade et c'est paru aux éditions du Pommier.